Nous sommes de retour, chers amis del tren de la música, su programa dominical de la 820 AM, de 8 a 9 PM. Ce soir, perdón, yo tengo la voz como un, como te dice, una rana, ¿no? Una cuac. Una cuac, ¿eh? Pero tengo gripe y mi mano derecha no está. Ay, Alba, cómo nosotros te extrañamos aquí esta noche. Ce soir, nous avons bâti un programme pour les enfants qui nous écoutent. Et aussi avec nous, Monsieur Pepito. Oui, c'est mi sobrino Oscarito Gómez, que esta noche es Pepito. Ahora, Oscarito, vamos con una fábula de Jean de la Fontaine que tú quieres decirla. Sí, con mucho gusto. Aquí es y se llama El Cuervo y la Señorita Zorra. Subido a un árbol, sujetaba el señor cuervo con su pico un rico queso. Y la señora zorra, atraída por el olor, le habló de esta manera. Buenos días, señor cuervo. Qué bello sois y me lo parecéis. Si vuestro canto fuese igual a vuestras plumas, sin mentir, os digo que seráis el fénix de cuantas aves viven en los bosques. Oyendo el cuervo tales palabras, desbordado de alegría, se abre el pico para lucir su hermosa voz, dejando caer el queso. Lo atrapa la zorra y le dice: Sabed, señor cuervo, que todo adulador es un parásito de aquel que sin más lo escucha, esta lección bien vale el queso. Avergonzado, juró el cuervo, aunque algo tarde, que jamás volverían a engañarlo. ¡Ay, qué bueno, moraleja tener la fábula de La Fontaine! Bueno, Pepito, ahora una música para niños, ¿no? Escucharemos... Le loup. Le loup. Ah, Pepito, le loup en francés es el lobo. El lobo, lo que dice le loup en francés. Yeah. Tú pareces un lobo. Ok, vamos a escuchar le loup. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Je mets ma culotte jaune. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup Je mets ma chemise grise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Je mets ma veste rouge. Que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Oh oh, je mets mes chaussettes roses. Rendons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu? Que fais-tu? Je mets mes chaussures bleues. Rendons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, autre. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? J'arrive! Attention, le voilà, il veut nous manger. Attention, le voilà, il veut nous manger. Attention, le voilà, il veut nous manger. Pepito, dimmi una cosa. Conjuga il presente dell'indicativo del verbo caminar. Déjame ver si tú sabes tus verbos. Yo camino, tú caminas, él camina. Por favor, Pepito, más deprisa. Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Ay, Pepito, otro más. Pepito, dime el presente del indicativo del verbo nadar. Yo nado, tú nadas. Ay, Pepito, más bajito. Yo buceo, tú buceas, él bucea. Yo buceo, tú buceas. Ay, Pepito, tú eres tremendo. ¿Cómo me hace reír? ¿Cómo me hace reír esta noche? Pepito, vamos a escuchar una canción, ¿ok? Que se llama Il était un petit navire. ¿Cómo me hace reír con los chistes, eh? Il était un petit navire. Escúchalo. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Qui n'avait jamais navigué. Qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Il entreprit un long voyage. Il entreprit un long voyage sur la mer Méditerranée. Sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. Les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. On tira à la courte paille. On tira à la courte paille. Pour savoir qui serait mangé. Pour savoir qui serait mangé. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Sur les flots. Le sort tomba sur le plus jeune. Le sort tomba sur le plus jeune. Ce sera lui, lui qui sera mangé. Ce sera lui, lui qui sera mangé. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue. Heureusement pour notre ami, heureusement pour notre ami, un grand miracle fut réalisé, un grand miracle fut réalisé. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Des petits poissons dans le navire, des petits poissons dans le navire sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers, sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé. naviguent sur les flots. On les prie, on les mit à frire, on les prie, on les mit à frire. Et le petit mousse, mousse, mousse fut sauvé. Et le petit mousse, mousse, mousse fut sauvé. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue. C'était l'histoire d'un petit navire, c'était l'histoire d'un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue. Mira, Pepito, ¿una otra fábula si quieres? Por supuesto, profesor, y con mucho gusto. Ok, ¿qué vamos a escuchar? Bertrand y el ratón. Ok, adelante. Bertrand y el ratón, uno mono y el otro gato, ambos comensales de una misma casa, tenían un amo común. Para bichos endiablados formaban los dos una buena pareja. No temían la competencia de ningún otro, fuera el que fuese. Si en la casa aparecía algún estropicio, inútil buscar culpable. Bertrand lo ocultaba todo. Por su parte, Ratón cuidaba menos las ratas que los quesos. Un día, junto al fuego, nuestros dos bribones contemplaban cómo se asaban unas castañas. Robarlas era una broma excelente y el beneficio doble. Su propio provecho primero y el mal ajeno después. Bertrand dijo a Ratón: hermanito, tienes que hacer una de las tuyas. Sácame esas castañas del fuego. Si Dios me hubiera hecho capaz de sacarlas, ciertas castañas danzarían de contento. Y dicho y hecho, Ratón con su pata delicadamente separa la ceniza y retira los dedos poco a poco. Saca una castaña, luego dos, luego tres, y Bertrand se las come. Llega una criada y ¡adiós, mis gentes!, dice ese ratón. No quedó muy contento. Tampoco quedan la mayoría de esos príncipes que, halagados con semejante empleo, van a escaldarse en las provincias en beneficio de algún rey. Ah, tiene muy buena moralidad la fábula, ¿eh? Sí, está muy, muy bueno, Pepito. Vamos a ver, ¿qué vamos a escuchar? Ya es fábula y ahora me hizo una canción. No sé, profe, tengo que ir a aprender francés para venir más seguido en su programa. Me gusta mucho el francés, pero es muy difícil, ¿no? No, Pepito, no es difícil. Nada es difícil cuando tú quieres. Querer es poder. Nunca se te olvidó, ¿ok? Ok. La canción es de una mula que su dueño quiere meter las botas y una gorra, pero nunca pude. Las botas siempre molestaban a la pobre mula y las gorras también. Y de esa manera no pude cambiar y, en fin, los quité. El título de la canción es Mon Ané, mi mula. Mon Ané. Ah, Pepito, te va a enseñar francés, ¿ok? Tiene que venir a la Alianza Francesa, sí, para que te enseñe francés. Se dice Mon Ané. Okay. Mon Ané en español es mi mula. Escuchamos esa canción. Madame lui fait faire un bonnet pour sa tête, un bonnet pour sa tête, et des souliers. femme lui fait faire une paire de boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa tête, et des souliers lila la la, et des souliers lila. Mon âne a bien mal à ses yeux, madame lui fait faire une paire de lunettes bleues, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa tête, et des souliers lila la la, et des souliers lila. Mon âne a bien mal à son nez, madame lui fait faire un joli cache-nez, un joli cache-nez, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa tête, et des souliers lila la la, et des souliers lila. Mon âne a mal à l'estomac, madame lui fait faire une tasse de chocolat, une tasse de chocolat, un joli cache-nez, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa tête, et des souliers lila la la, et des souliers lila. Et des souliers lila la la, et des souliers lila. Profe, ¿puedo leer la fábula del pobre león enamorado? Sí, ¿cómo no, Pedrito? Adelante. Un león de alto linaje se enamoró de una pastora. Pidióla en matrimonio. El padre de la muchacha hubiera deseado un yerno menos tenible. Dársela a otro le parecía doloroso. Negársela, poco seguro. Hasta fuera posible que ante su negativa, una buena mañana se produjera una unión ilegítima. Pues además de que la muchacha sentía predilección por los arrogantes, una doncella se encapricha fácilmente de un enamorado de hermosa cabellera. No atreviéndose a negarse, le dijo con precauciones: mi hija es muy delicada, con esas uñas podráis herirla al acariciarla. Permitid que os las corten, y al mismo tiempo que blimen vuestros dientes, así vuestros besos serán más dulces. El león estaba tan ciego de amor que a todo consistió. Al cabo de un rato, sin uñas ni dientes, parecía un fuerte desmantelado. En ese momento le soltaron unos perros y el inválido ratón apenas pudo defenderse. Amor, amor, cuando nos subyugas, ya podemos decir adiós, Prudencia. Escuchamos la del león. La próxima música que vamos a escuchar, todavía para los niños, esta noche es puro niños, se llama Le Furet. Le furet du bois, mesdames, il court, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois, mesdames, il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là, le furet du bois, mesdames, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Le voici encore ici, le voilà maintenant par là. Le furet du bois, mesdames, le furet du bois joli. il court le furet du bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Il court le furet du bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Il est entré par ici, il est ressorti par là. Le furet du bois, mesdames, le furet du bois joli. Plus vite le furet. Oui, allez. Oui, comme ça. Il court le furet du bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Il court le furet du bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Le furet du bois, mesdames, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Il est passé par ici, il repassera par là. No más chiste, Pepito, por esta noche. Escucharemos pura música francesa para niños, porque ayer fue día de todos los niños de la tierra. Y como no podía yo venir ayer, lo hacemos hoy. ¿Qué dice? Continuamos. Ok, por supuesto. ¿Y la próxima canción cómo se llama, profe? Ah, yo pienso, vamos a ver el repertorio. Vamos a tocar La Souris Verte, un ratón verde. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit il fait trop noir. Je la mets dans un tiroir, elle me dit il fait trop noir. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit il fait trop noir. Je la mets dans un tiroir, elle me dit il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit il fait trop chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit il fait trop chaud. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit il fait trop noir. Je la mets dans un tiroir, elle me dit il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit il fait trop chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit il fait trop chaud. Je la mets dans le creux de ma main, elle me dit oui là c'est bien. Pepito, una última un chiste más, Pepito. ¿Cuántos corazones tenemos nosotros? Dos, maestro. ¿Cómo dos, Pepito? ¿Dos corazones? Sí, maestro, el suyo y el mío. El suyo y el mío, qué bueno, Pepito. Ok, vamos a ver dónde estamos en el programa, porque ese programa de esta noche es muy improvisado y mi mano derecha, Alba, está de vacaciones y Pepito ya es la primera vez que está conmigo. Pepito, qué bueno, te doy la gracia para ser conmigo esta noche. Yo os aseguro que tu papá, tu mamá van a ser muy orgullosos de ti, de escuchar tu voz en la Radio Uleo, ¿no? La Radio Uleo, la mejor del norte de Sinaloa. Y aquí nosotros promover la cultura. Por eso que yo tengo conmigo el amiguito Pepito, que es Oscar Gómez. Y con esta canción, perdón, diremos adiós a nuestros amigos del tren. Que pasen un feliz día. Gracias a Oscarito de estar conmigo, acompañándome. Espero que no sea la última vez. Gracias a todos por sintonizar la 820 AM, la frecuencia de la cultura, la mejor de todas las Nomochis. Muy buenas noches. Hasta domingo. Alba, te extrañamos mucho. Hasta la semana próxima. Que te diviertes, ¿ok? Y mucho. Buenas noches. Je ne peux m'envoler dans le vent. Et pourquoi, dit monsieur, tu pleures en m'écoutant? Mon enfant, c'est vrai, la terre est ronde. Et longtemps j'ai cherché l'oiseau bleu dans le monde. Comme toi, j'ai pleuré en tendant mes deux bras. Mais pour toi, j'en suis sûr, un beau jour il viendra. N'aie pas peur, le soleil ne meurt pas sous les dunes. Il s'en va pour t'offrir un beau clair de lune. Et pourquoi voudrais-tu t'envoler dans le vent? J'ai voulu, moi aussi, et j'ai des cheveux blancs. Ne pleure plus, bon monsieur, puisque la terre est ronde. Pour t'offrir l'oiseau bleu, je vais courir. Mon enfant, ne pars pas pour ailleurs. L'oiseau bleu, il est là, cherche bien dans ton cœur. Si c'est vrai, dit monsieur, j'irai dans le soleil pour cueillir avec lui un morceau de ciel. Mon enfant, tu iras bien plus loin que le jour. L'oiseau bleu, c'est l'amour, Vous venez d'écouter notre programme Les Trains de la Musique, qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.